André Lichtenberger, Les Centaures. Première partie. C'est la joie puissante du printemps qui mûrit. Au ciel radieux, l'astre décline. Le dôme vert des chênes géants et des grands hêtres se transperce de rayons obliques. À leur flamme, la vie s'exalte. Les troncs gris et bruns s'illuminent. Les mousses et les fougères reluisent, semées de roses, de jaunes et de bleus, au hasard des fleurettes éparses. Par bouffées, les violettes embaument. Dans les feuillages qui s'embrasent, les oiseaux pépient. Les fourrés craquent. Écartant les ronciers et les ajoncs, les quadrupèdes hument la fraîcheur qui descend. Un grouillement de vie se hâte dans les sous-bois. Large comme un fleuve, une coulée de soleil troue la forêt. Jadis, un incendie, né de la foudre, fut propagé par la fureur complice du vent. Sur le sol engraissé de cendres, fertilisé par la lumière et l'infiltration des eaux, la splendeur des plantes nourricières s'est épanouie. Axor et Pilta paissent côte à côte. De temps en temps, le cerf s'interrompt, lève son front où il refait ses andouillers et contemple sa femelle de ses yeux noyés. Câlin, il frotte son mufle humide sur la nuque de Pilta qui se remet à paître à pleine gueulée. Pilta tressaille. En même temps qu'elle, Axor se redresse. À 10 pas, dans le fourré épineux, deux yeux jaunes sont dardés sur eux. Se voyant découvert, Raram, le jaguar, émerge tout entier. Bâille nonchalamment, cligne des paupières, balance plusieurs fois de droite et de gauche sa queue mouchetée, s'étire, bâille de nouveau et fait un pas. Axor et Pilta, l'œil défiant, se ramassent sur leurs jarrets. Il y a longtemps qu'on a vu Raram. Et plusieurs le disaient émigré sous des cieux plus ardents. Jadis, il a juré la trêve imposée. Il a promis de ne point tuer sans la permission de Clévorac. Mais sa mémoire est courte et son humeur sournoise comme la griffe qu'il cache dans sa patte soyeuse. Il aime le sang. Le charnier est loin. Peut-être, oublieux des lois, il préfère la venaison fraîche. Mais soudain, du même geste, Axor et Pilta abaissent de nouveau leurs mufles dans l'herbe, les relèvent apaisés, la gueule débordant de tiges savoureuses. Raram a couché les oreilles des deux côtés de sa face plate. Il écoute, gronde sourdement, crache de colère et se love dans un taillis. Au tronc d'un jeune frêne, Axor gratte gaiement le velours neuf de ses andouillers. Comme Axor et Pilta, comme Raram, le peuple de la forêt a entendu. À petits bonds comiques et précipités, toute la tribu des lapins regagne la lisière des arbres. L'oule, le lièvre, toujours peureux, les a précédés, appelant sa hase. Chevreuils et daims se bousculent pour essayer leurs jeunes cornes. Le grand troupeau des bœufs blancs se lève lourdement. À pas lents, s'arrêtant pour chasser une mouche ou cueillir d'un coup de dent une touffe parfumée, eux aussi se mettent en marche. Et ils suivent d'un œil distrait les galops furibonds de Cognonque, l'allée, enragée après ses marcassins indisciplinés, quelle invective. Ainsi, tout ce qui vit s'écarte pour faire place à ceux qui vont venir. Parce que le soleil est plus bas, les ombres commencent à s'allonger et des lueurs rouges font plus éclatant le tapis vert que çà et là et les incendies. Grises et prestes, deux belettes filent et disparaissent. Les bœufs cessent de ruminer. D'un trot allongé, Herta et ses louvards ont traversé la clairière. Cognonque secoue par les oreilles ses petits qui braillent à plein gosier. D'abord, c'était seulement la rumeur confuse de la forêt. Puis quelque chose, comme un grondement lointain, a dit l'approche d'une horde. Tout à l'heure, on a commencé de distinguer un claquement de sabots, un murmure de voix, le bruit des branches. Maintenant, c'est le rythme cadencé des galops, et voici que se répercutent dans l'air les cris, les appels et les rires des animaux rois. Les hôtes de la forêt se sont arrêtés le long de l'allée triomphale. Aucune crainte n'est dans leurs regards. Même les chevreaux ne se serrent point contre leur mère. Tout à fait braves, les petits de Tutule grignotent le thym et narguent de leur nez bougillon Volpe le renard, qui feint de ne pas les voir. Et sans l'odeur affreuse qui se dégage d'elle, Pilta demeurerait au flanc de la louve, insoucieuse de ses crocs baveux. Qui donc, à l'approche des dominateurs, oserait violer la loi qu'ils ont imposée? Le galop est plus sonore, le sol tremble, les coups se tendent. Une curiosité confiante est dans les regards. Ce sont eux. À l'extrémité de la percée lumineuse est surgie, dans une clameur souveraine, la horde triomphale des centaures, le peuple aux six membres, le peuple chef, fils du soleil. À leur passage, les mufles s'allongent, les groins se dressent, les naseaux hument. Des deux côtés de l'avenue où ils se précipitent, un murmure de bienvenue les salue. Une foulée en avant de son peuple s'élance Clévorac, le roi. Il porte haut sa tête illustre que les années ont blanchie sans la courber. Éparpillées au vent de sa course, les mèches abondantes de ses cheveux volent autour de son front embroussaillé. Semblable à des ailes de neige, sa grande barbe flotte des deux côtés de son cou rigide. La face aux plis creusés, aux yeux étincelants, est tannée par d'innombrables soleils. Sous le nez, largement ouvert, un sourire fier découvre les dents intactes. Le torse se dresse, noueux et dur, comme le tronc d'un châtaignier. La peau boucanée des bras se bosselle des rondeurs formidables des muscles et les larges mains aux doigts énormes font tournoyer un jeune frêne déraciné. Malgré l'âge, le poil brun du bas-corps demeure lustré. Quatre membres aux sabots robustes enlèvent le chef d'un galop rythmé. Et c'est une queue toujours épaisse qui bat nerveusement ses flancs polis. Alternativement, ce regard perçant s'égare à droite ou à gauche. Ses grosses lèvres s'entr'ouvrent et, d'un sifflement amical, il salue les tribus des bêtes qui vénèrent la force paisible des centaures. Derrière le chef, en un joyeux tumulte, la horde se rue. Aux grottes rouges, selon l'usage, Ekem est demeuré avec la moitié. Le reste est là. Au-dessus des autres, Arc le rude lève son visage balafré, sa barbe éclatante et sa poitrine large comme celle d'un taureau de 3 ans. L'autre jour, Spire, la panthère, violant la trêve, venait d'égorger un chevreau. Arc la surprise qui déchirait sa victime sous un fourré de laurier rose. Ivre de sang, Spire, avec un crachement, a sauté à la gorge du centaure et lui a labouré le visage de ses griffes. D'une seule main, Arc l'a empoignée par la queue, l'a fait tournoyer à bout de bras et l'a écrasée contre le tronc d'un chêne. Le miaulement de Spire n'effraiera plus les chevreaux dans la forêt. Jeté au charnier, son cadavre a remis en mémoire aux mangeurs de chair la loi inflexible de Clévorac. Le rival de Arc est Colpitru, le géant. Si la taille de Colpitru atteint à peine celle du centaure rouge, il le surpasse par la puissance inouïe du bas-corps, la profondeur du thorax, le volume de ses bras gros comme des cuisses. sans effort, Colpitru, le saisissant par les deux cornes, arrête dans sa course affolée Mume, l'aurox bossu, à la crinière noire. Entre Arc et Colpitru, il y a une vieille jalousie. Plus d'une fois, dans les saisons des amours, ils en sont venus aux prises. Arc l'emporte par l'agilité. Mais peut-être Colpitru est le plus robuste. Et tout autour d'eux, échangeant des propos folâtres, ruant, piaffant, cabrés pour cueillir au passage une branche feuillue, ou demi-tournée, frappant leur garrot du plat de la main pour se défier à la course, il y a Trègle gris, Auroch le borgne, Alcar, Yahor et tous les autres. D'un œil courroucé, Sakar Batul le glabre fouille les buissons. L'autre jour, Trègle l'assure, quelques faunes ivres de cerises ont raillé son menton poli et vanté leur barbe pointue. Sakar Batul a juré d'épiler les joues du premier quadrupède qu'il rencontrera. Toute la horde sait son projet et d'avance se réjouit du combat comique. Entre les mâles, Haïdar est le plus beau. Son torse se dresse droit et lisse comme le fût d'un jeune palmier. Ses flancs s'évident, pareils à ceux du lévrier. Quatre balsanes cerclent ses jambes luisantes, et le panache de sa queue, couleur de nuit, balaie sur le sol les feuilles tombées. Volontiers, dans leur course capricieuse, les centaures s'approchent de lui, frottent leurs flancs moites contre les siens, et, de leurs yeux câlins, cherchent le regard de ses prunelles brunes. Impudente, Mimite chatouille ses épaules d'un rameau de genévrier. Et quand il se retourne, le provoque par de grands éclats de rire derrière le rideau brusquement tiré de ses cheveux. Mais, dédaigneux, Haïdar secoue ses boucles noires et les anneaux lustrés de sa barbe soyeuse. Que lui importe Mimite, Bagalda et toutes les autres? L'an dernier, peut-être, elle lui plaisait. Peut-être de nouveau un été prochain. En cette saison, il n'en a cure, non plus que des vieilles au sein flasque, Urico l'édentée ou Siada la boiteuse, obstinée à disputer aux charniers ses os fatigués. L'ardeur des soleils d'été n'enflamme pas encore les mâles de la folie despotique de l'amour. Mais déjà, un seul désir réchauffe les reins de Haïdar. D'une ruade, il écarte Mimite l'effrontée et Bagalda, bouscule de l'épaule Poltico le poussif pour trotter côte à côte avec celle qui retient ses regards chaque jour depuis les grottes rouges jusqu'au champ de Reki et du champ de Reki aux grottes rouges. Cadilda la blanche, la centauresse aux yeux de gazelle. Elle est si belle, Cadilda la blonde, Cadilda la blanche. Cadilda la Vierge. À sa grâce triomphante, qui serait insensible? Clévorac lui-même sent l'orgueil gonfler son cœur quand ses yeux se fixent sur la dernière née de son sang. Si loin que remonte la mémoire des vieux, nul ne se rappelle ce prodige. Une centauresse blanche, depuis le haut du front jusqu'à l'extrémité des mains, des quatre pieds et de la queue. Si fine est la peau du visage, du torse mince et des bras, que le sang y affleure, met une teinte rose aux joues, à la pointe rigide des jeunes seins dardés, au creux des mains trop tendres qui se déchirent aux ronciers et aux houx épineux. Quand Cadilda caracole dans la plaine, sa chevelure blonde ondoyante autour d'elle, on dirait un flocon d'écume envolé des flots. De toute la tribu, il n'en est point qui, d'une détente plus légère, franchisse les troncs d'arbres abattus ou les buissons importuns, bondissant en l'air comme pointe au ciel, tite l'alouette aux aurores d'été. Aussi voilà deux saisons déjà qu'aux approches des ardeurs fécondes du solstice, les mâles s'empressent autour d'elle, la convoitent de leurs yeux avides, emplissent leurs narines dilatées de l'odeur voluptueuse de son jeune corps. De tous ceux qui ont l'âge de l'amour, il n'en est peut-être aucun qui, de la parole et du geste, n'ait dit à la centauresse la violence de son désir. L'année dernière encore, certains préféraient la robe fauve et l'humeur folâtre de Mimite. Cette année, de la vie de tous, Cadilda est la plus belle. Et bien avant la saison brûlante, insoucieux du reste des femelles, les mâles cherchent à la frôler et la sollicitent de leur regard profond. Comme elle le fait depuis 2 années, Cadilda, cette saison encore, se refusera-t-elle? Ni Arc le Rude, ni Carac, ni Colpitru n'ont reçu d'elle la promesse espérée. Et lorsqu'elle voit le beau Haïdar obliquer et se frayer le passage vers elle, elle force l'allure. Écartant des mains les croupes amaigries, elle se glisse entre les vieilles. Et, pour soutenir la marche chancelante de Siadda, elle passe un bras autour de sa taille, tandis que de l'autre, obstinée, elle se voile la face en signe de refus. Avec de bruyants éclats de rire, tous ceux qu'elle a évincés raillent la déconvenue de Haïdar, dont la colère plisse le front, et tous félicitent la Vierge. Elle se tait, mécontente de voir les regards la poursuivre. Mais comme Papacal, par jeu, veut écarter ses cheveux et les fleurs de ses gros doigts, elle se cabre. Sa face apparaît tout rose, et, levant la main, elle frappe l'insolent au visage d'un coup qui résonne sur son cuir. Alors la joie des centaures éclate de nouveau et ils applaudissent la déconvenue de Papacal. Au bosquet de la soif, c'est la halte accoutumée. À mi-chemin des grottes rouges et du champ où croît le sombre Reki, la fougère dont les centaures tirent la force qui est dans leurs os. Quand, tous les 2 jours, Clévora qui conduit son peuple, il ne manque point de s'arrêter au bosquet. Non que ses muscles fatigués lui commandent le repos. Malgré son âge, il suivrait le soleil la moitié de sa course sans qu'une goutte de sueur perlât sur son front bruni. Mais c'est un chef prudent. Il sait que les jeunes s'essoufflent au-delà de leur force à une chevauchée prolongée. Surtout, il a pitié de la lassitude douloureuse des vieilles. À peine les grands chênes sont passés, les fûts sont plus clairsemés et la verdure éternelle des yeuses se mélange du feuillage sombre des pins. Tandis que Siadda boite plus bas et souffre de sa vieille blessure, tandis que la poitrine sèche de Urico commence à haleter, pourtant toutes deux, le torse ruisselant, l'écume au flanc, le sang aux narines galoperait jusqu'à rouler d'épuisement plutôt que de s'avouer lasse. Mais Clévora commande la halte. Les centauresses se laissent aller dans le gazon. De toute sa longueur, Urico s'étend sur le côté. Sa langue pend hors de sa bouche édentée, ses flancs battent à coups précipités avec un ronflement. Accroupie devant elle, Siadda se soutient des bras au tronc rabougri d'un petit chêne. Elle a les yeux fermés et serre les lèvres pour retenir son âme. C'est comme si d'arrêter leur effort, les vieilles sentaient davantage l'écrasement de la fatigue. Elles sont sans voix pour répondre au sarcasme de Arc qui les raille et plaint les loups dont bientôt les dents se casseront sur leurs os. Les centaures s'éparpillent dans la clairière. À la source, ils se sont tour à tour désaltérés et maintenant ils glanent les baies sur les arbrisseaux. Le goût des prunelles est encore âpre, mais les cerises noires et les fraises sont déjà savoureuses. Arc avise un arbuste dont les fruits pendent au-dessus des têtes. Il recule, se cabre, bondit en l'air, mais retombe les mains vides. Aussitôt, Haïdar prend du champ, mesure l'espace de l'œil et s'élance à son tour. Il y a un craquement. Aux acclamations de tous, il tient dans sa main la branche maîtresse chargée de baies sanglantes. Avec des rires, les femelles raillent le centaure roux qui serre les poings et grommelle. À un autre jeu, le lévrier au balzane lui céderait vite. Les vieilles ont repris haleine. Elles suivent des yeux les jouteurs et, mélancoliques, se remémorent le temps lointain où, sous d'autres cieux, de pareilles jeunes mâles les ont faites mères. Aussi, elles ont un regard d'envie vers les fruits brillants et vers la source qui murmure à quelques pas. Mais leurs membres sont rompus de fatigue. Elles se contentent de porter à leurs lèvres quelques glandes d'eau, à demi pourries, débris de l'automne dernier, dédaignés par le sanglier et dont la saveur rance trompe leur soif. Une voix leur fait détourner la tête. Cadilda la Blanche est près d'elles. Elle se penche et leur tend cinq ou six rameaux au feuillage semé de baies rouges. « Mes mères, dit-elle, prenez. » Elles saisissent les branches et mangent avidement. Et tandis que la saveur aigrelette caresse leur palais desséché, elles s'étonnent de l'acte de Cadilda. Orgueilleuses de leur force, les jeunes centaures ne pensent point qu'un jour elles seront vieilles. Et volontiers, elles humilient leurs aînés de leur sarcasme et du spectacle de leur jeu. En revanche, les anciennes ne se privent pas de les censurer et de mettre en garde les mâles contre leur coquetterie. Telle est la règle. Cadilda y a manqué. Mais parce que son acte est bienveillant, les centaures ne s'en scandalisent point et elles la suivent d'un œil complaisant tandis qu'elle butine d'arbre en arbre. Aux oreilles des vieilles craque un éclat de rire. Elles se redressent à demi sur leurs mains et cherchent dans les buissons. Avant leurs yeux, leur nez leur dénonce le rieur. La brise apporte une odeur de bouc. Du fourré où il était tapis, Pirip, le faune, vient de surgir. Sa large face rougeaude au gros nez camus est fendue, joyeuse, de l'une à l'autre de ses oreilles pointues. Sous ses sourcils poilus, ses petits yeux ronds clignotent comiquement. Très courtes, ses cornes émergent à peine de la tignasse broussailleuse qui couvre sa tête. Dans ses mains brunes, il tient une poignée de cerises. De temps en temps, il y mord à belles dents et avale gloutonnement les noyaux. Puis le joug rouge se met à couler sur son menton, le long de sa barbe emmêlée, de son torse fauve et de ses jambes velues recroquevillées sous lui. Il s'est arrêté de mâcher. Bouche bée, il guigne quelque chose devant lui. Le voilà qui fait deux pas. Il rit à gorge déployée de son rire bruyant qui ressemble au bêlement saccadé des chèvres, fourre encore un fruit dans sa bouche et s'accroupit de nouveau, les yeux fixés à quelques pas en avant. Les centaures se cherchent où va son regard. Toute blanche, Cadilda se détache sur le feuillage noir d'un genévrier. Pirip guette chacun de ses gestes. Dans son œil, une lueur s'allume. Des frissons courent le long de son dos râblé. Et de temps en temps, sur ses grosses lèvres, il passe une langue gourmande. Les vieilles échangent des coups de coude et, en même temps, haussent les épaules. Comme le peuple entier de ses rêves, Pirip est incorrigible. À jeun, au repos, il est paresseux, rêveur et doux. Des heures, il demeure accroupi à contempler l'eau qui ruisselle, les formes des nuages qui courent dans le ciel, les manèges compliqués des insectes dans les mousses. Des heures, il souffle immobile dans un roseau bizarrement troué d'où sort une voix aigre. Mais sa nonchalance ordinaire n'a d'égal que sa folie quand, sous l'influence de la saison, ou du jus des baies qui le grise, ses esprits s'exaltent. À l'automne, quand, des après-midis entiers, les faunes se sont gorgées de raisins, Un délire met du feu dans leurs veines. Avec des hoquets de luxure, ils se pourchassent et, dans de furieuses étreintes, mâles et femelles roulent sous les forêts. Méprisants, les centaures détournent la tête pour n'être point témoins de leurs ébats impudents. Quand la salacité de Pyrrhippe s'éveille, il ne connaît plus de frein. Et c'est une chose immonde à quelles unions monstrueuses il peut s'égarer. Mais les centaures ne daignent point s'arrêter à de telles images, indignes des animaux rois. Au réveil de ses égarements, Pyrrhippe le premier déplore sa folie. Il gémit de ses aberrations, il s'accuse de son ignominie. Lui-même il se châtierait s'il le pouvait. Son visage contrit sollicite le pardon de sa faute. Son humeur se refait débonnaire et douce. Il redevient le petit frère humble dont les rires saccadés égaient les bois et que des extases inoffensives arrêtent au vol d'un papillon ou au passage d'un poisson doré. Et, parce qu'elles savent la bonté de son cœur, les centaures ont pitié de lui quand elles le voient trembler, les yeux pleins de Cadilda. Dans le vertige de son désir, il est capable d'oublier toute prudence, de se jeter sur celle qu'il convoite. La colère des centaures ne l'épargnerait point. Compatissante, Siada l'interpelle à haute voix. « Pyrrhippe ! Pyrrhippe ! Pyrrhippe ! » Au dernier appel, plus sonore, Pyrrhippe tressaille, comme sortant des rêves, et il aperçoit les vieilles qui, le bas-corps allongé, appuyé sur un coude, le dévisagent. Il se frotte le front, s'essuie les paumes à ses cuisses poilues et interroge. « Salut, dominatrice, que voulez-vous » Du plat de la main, Siada écrase un ton sur son flanc et goguenarde. « Petit frère, chasse les mauvaises pensées. Au lieu de la centauresse blanche, regarde Clévorac. » D'un air incertain, Pyrrhippe, quelques secondes, toise la conseillère, puis, suivant son avis, son œil cherche Clévorac. Immobile, sur ses quatre pieds, chaussé de durs sabots, le chef, la tête haute, semble défier dans les nuages la puissance du vent. D'un geste négligent, son bras fait tournoyer le gourdin dont, en se jouant, il fracasserait l'échine d'un bœuf. Il est l'image de la force. Le front de Pyrrhippe s'assombrit. Ses joues se plissent, les coins de ses lèvres lipues s'abaissent, un gros soupir gonfle sa poitrine. Les deux vieilles partent d'un grand éclat de rire. Confus de se sentir deviné, le faune accroupi gratte machinalement la terre de ses deux mains et il murmure. « Ta parole, Siada, est pareille à la douche bienfaisante de la cascade. Merci. » Et secouant les noyaux, les feuilles et les tiges dont il est couvert, il se lève sur ses pieds fourchus. D'abord il vacille et trébuche, mais deux ou trois bonds le remettent d'aplomb et il s'éloigne de son pas sautillant. Urico lui crie « Va retrouver Sita. Auprès d'elle, tu oublieras la centauresse blanche. » Sita est la faunesse bise, dont déjà Pyrrhippe a 8 faunillons bavards, plus bruyants qu'un troupeau de chevreaux bêlants. Mais Pyrrhippe n'écoute plus les vieilles. À quelques pas, une touffe d'iris se dresse dans l'herbe. Et voici qu'un rayon de soleil qui troue les feuillages, illumine la splendeur veloutée des pétales. Des corolles magiques jaillissent des feux violets, mauves et roses. Fasciné, Pyrrhippe s'approche des fleurs, y caresse ses prunelles ravies, s'agenouille auprès d'elles, et, de ses lèvres entr'ouvertes, un sifflement mélodieux s'échappe, qui célèbre la beauté divine. Les centaures l'ont suivi des yeux. Du même geste, elle se touche le front. Pour une herbe qu'écraserait son sabot, Cadilda est oubliée. Toute la horde est debout. La voix tonnante de Clévorac a chanté le départ. Sur la pente sèche, les centaures s'égaillent d'un pas inégal. au fût majestueux des chênes, des hêtres et des châtaigniers, a succédé une végétation plus riante. Le dôme impénétrable des hautes frondaisons ne maintient plus l'humidité du sol, n'arrête plus les rayons vivifiants du soleil. Sous sa caresse féconde s'épanouissent les amandiers aux troncs raboteux, aux feuillages clairs semés de la neige blanche ou rose des fleurs, les orangers aux palmes luisantes, les lentisques, les pistachiers, les arbousiers qui mûrissent leurs baies encore vertes et bientôt la pâleur argentée des oliviers. Quelques aupins parasols, quelques genévriers aux reflets bleus s'élèvent çà et là au-dessus des arbrisseaux. Le sol pierreux se pare de genêts éclatants, de forbes, de bruyères. Sur les espaces ensoleillés, les cactus épanouissent leurs raquettes charnues où verdissent les figues, richesses de l'automne. Là où la terre est plus molle, alternent d'adorables prairies de violettes et d'âches. Au tronc blanchâtre des ormes grimpent les vignes enchevêtrées. Les bouffées de la brise se chargent tour à tour de toutes les senteurs du printemps. Et les centaures, grisés de parfums, cheminent d'un pas ralenti, cueillent çà et là un fruit qui mûrit. Mais le soleil fatigué descend peu à peu dans le ciel qui devient rose. Clévorac jette un cri pour presser l'allure. Sous les pas, le sol est maintenant sablonneux. Les bouquets d'oliviers, de vignes, d'amandiers et de cactus se font rares. Au-dessus du tapis jaune et vert déjeuné, ce sont les pins au feuillage sombre qui dressent leurs troncs tordus. Les bouffées de la brise ont fraîchi. Si le passage de la horde était moins bruyant, à coup sûr s'entendrait déjà le soupir puissant de la mer. De nouveau, Siada souffle. Aujourd'hui, son pied lui fait plus mal. L'âge pèse. Le temps est loin où, d'un bond, elle franchissait les dos alignés de quatre mâles. Cadilda l'encourage. Tout à l'heure, on atteindra le coude de la rivière. La vieille rafraîchira sa mauvaise jambe. Puis le rivage sera vite rejoint. Avec une clameur, les centaures abordent la dune, s'encouragent et l'escaladent au galop. Les sabots s'enfoncent, glissent sur les aiguilles de pin. Même Colpitru sent la sueur perler sous son ventre. Les muscles des vieilles se raidissent, une sorte de buée voile leurs yeux. Les pieds de Urico s'embarrassent dans une racine. Elle bute lourdement et s'agenouille. Le ricanement des jeunes la relève d'un seul coup de rein. La sueur inonde ses flancs amaigris, lui colle aux tempes les rares mèches de ses cheveux. Elle ne restera pas en arrière. Mais Clévorac lui-même ralentit. Les langues se taisent dans l'effort général. Au haut de la colline, sur la lande devenue déserte, le chef s'arrête. Et, l'un après l'autre, les centaures essuient leur front de leurs mains rugueuses, tandis que leurs poitrines velues se dilatent au souffle bienfaisant de la brise du soir, et qu'une fois de plus, leurs yeux larges s'emplissent de la splendeur de l'horizon familier. À leurs pieds, la dune dévale en pente raide. Parmi les troncs noirs des pins, lui, çà et là, l'eau de la rivière toute proche, qui, ensuite, à droite, fait un détour. Son embouchure est invisible à cause des feuillages. Mais, en face d'eux, par-delà le dernier rideau des arbres, les centaures aperçoivent la splendeur infinie des flots scintillants. Les roches rouges, où les attendent leurs frères, se dressent sur la gauche. Un vieux récit, recueilli dans les temps immémoriaux, raconte qu'elles sortirent de la mer et vinrent s'entasser sur le sable, pareilles à un troupeau monstrueux. Ou peut-être est-ce la montagne fumante dont la force mystérieuse les a projetées. Là-bas, au-delà de la mer, dans l'atmosphère d'or, de pourpre et d'azur, où s'engloutit le soleil mourant, son panache sombre, d'où la nuit jaillissent des éclairs, domine la côte qui borne la vue. Derrière eux, quand ils se retournent, les animaux rois reconnaissent, au-dessus des pentes sylvestres qu'ils viennent de parcourir, au-dessus de la nuit déjà étendue sur leurs flancs, les cimes rosées des montagnes abruptes que jadis ils traversèrent, quand, chassés par la menace du froid, ils suivirent le soleil dans sa course à la recherche de cieux plus cléments. Ah ah ! Clévorac jette le cri, frappe dans ses fortes mains et se lance sur la pente raide. À sa suite, toute la horde se précipite en Ourvarie. La descente les entraîne, prompt comme les pierres qui dévalent des montagnes. Piqué d'amour-propre, Urico et le même oublient ses douleurs. On glisse sur les pieds de derrière, on se relève, on galope de plus belle. Les branches des pins craquent sous le choc des poitrailles. Genêts et bruyères s'écrasent sous les sabots. Le sable s'éparpille. Entre les troncs plus espacés, les eaux scintillent toutes proches. Une odeur humide caresse les narines. Encore un élan. Le rideau de feuillage s'évanouit. Une petite plage limoneuse et plate borde le coude de la rivière qui se replie sur elle-même pour gagner la mer. En quelques foulées, les centaures la franchiront pour s'enfoncer dans le dernier bois qui les sépare du refuge désiré des grottes. Mais à peine ils débouchent sur la grève qu'une plainte criarde s'échappe de la rivière. Il y a un bouillonnement d'eau, et voici qu'au-dessus des flots troublés s'élève le buste ruisselant de Gurgundo, le triton. Et derrière lui surgissent ceux de ses frères. En un instant, la surface liquide de ce peuple de face plate, troué d'yeux glauques et couronnés de cheveux verdâtres, de torses visqueux et de ventres flasques qui se terminent en queues étincelantes. Et les mains larges, dont les doigts sont reliés par des peaux minces, appellent Clévorac et lui font signe de s'arrêter. Le centaure hésite. Chaque matin, Gurgundo s'éprend d'un nouveau mensonge et le croit vrai jusqu'au soir. Sa langue infatigable est aussi bavarde que les flots mêmes où il est né. Mais aujourd'hui, une grimace de détresse abaisse les coins de sa bouche d'habitude hilare. À côté de lui, Gloglé, sa sirène, se trémousse avec des gémissements. Et, comme elle voit le chef hésiter, elle tend hors de l'eau son dernier nez, le petit Plax, qui, effrayé, crie de toutes ses forces, se débat et tortille désespérément sa queue squameuse, sans lâcher le rouget crevé qu'il serre dans sa main palmée et que, tout à l'heure, il suçait de sa bouche sans dents. Clévorac s'approche du fleuve. Gloglé, qui pue le poisson et dont la croupe tortueuse enflamme de désirs pyrrhiques quand il l'aperçoit à travers les roseaux, est pour lui sans charme. Mais aucune des bêtes vivantes dont les petits se nourrissent de lait ne réclame en vain l'appui des animaux rois. Et au-dessus d'elles, faunes et tritons ont droit à la protection particulière de leurs frères. Entre les trois tribus, le lien du sang est indestructible. Clévorac entre dans l'eau jusqu'aux genoux, car Gurgundo, si souple dans les flots, est sur terre leste comme le limaçon. Et tandis que les centaures s'accroupissent sur le sable ou baignent leurs pieds fatigués, tritons et sirènes s'empressent autour du chef. Avec de grands gestes et des éclats de voix, tous à la fois ils le haranguent. Les glapissements des sirènes dominent la voix des mâles, sonores comme la vague qui déferle. Les tritonneaux s'agrichent aux jambes du centaure et poussent des cris aigres, pareils à ceux des mouettes. Impatient, Clévorac s'ébroue et frappe du pied. Autour de lui, l'eau rejaillit. Les petits culbutent sur eux-mêmes et se bousculent en s'enfuyant. Dans le silence rétabli, le centaure interpelle Gurgundo, que le chef parle pour tous. d'une voix plaintive, le triton dit le malheur qui vient de fondre sur la tribu. Néboum, le beau Néboum, le propre frère de Gloglé, capable de forcer à la nage la truite ou le saumon, Néboum, au torse plus visqueux que l'anguille, à la queue plus éclatante que la dorade, aux doigts mieux palmés que le cormoran, Néboum, le pêcheur de muge, est mort, victime d'un affreux destin. Tandis qu'il se reposait sur les galets, de sanguinaires agresseurs se sont jetés sur lui. Capable dans les flots de combattre le crocodile et de mettre en fuite le requin, Néboum, surpris à terre, n'a pu se défendre. En un instant, il était égorgé, sous les yeux de Pouzouli, sa compagne. Elle-même a vu les meurtriers se gorger de son sang et déchirer ses membres sans force. Un mugissement gronde dans les poitrines des centaures. Les narines se gonflent, les poings se ferment, les sabots font voler le sable. Les queues fouettent les flancs qui fument. Mais Clévorac impose le silence. Il réprime la colère qui l'étrangle et interroge. Quel est le nom du meurtrier? Que ce soit Raram le jaguar ou l'agent carnassière des loups ou la hyène vorace ou tout autre, il paiera de sa vie le forfait d'avoir violé la loi imposée. Mais Gurgundo secoue sa tête aux yeux glauques. Non, le coupable n'est point parmi les bêtes qui jurèrent la trêve. Le plus insensé n'aurait osé effleurer de sa griffe le propre frère des animaux rois. Les yeux de Clévorac lancent une flamme. Ce n'est pourtant pas. Ses lèvres se refusent à prononcer le nom des impurs. Mais Gurgundo l'a compris et le rassure. Non, les meurtriers n'en sont point, mais sans doute les centaures se souviennent de ces bêtes farouches qui, à l'encontre du reste des porte-mamelles, refusèrent de se plier aux joues pacifiques des dominateurs. Colossales étaient leurs tailles, multiples leurs espèces. Jadis, en troupes nombreuses, elles erraient parmi les montagnes et les forêts. Il y a quelques années encore, on apercevait parfois le mammouth aux défenses arrondies, ou le crapaud éléphant. Maintenant, c'est à peine si leurs traces se rencontrent encore sur la terre humide. Que sont devenus les monstres d'autrefois? À cause de leur humeur indomptable, les centaures en massacrèrent beaucoup. Tel fut le sort des lions qu'ils exterminèrent dans les grottes rouges. Eux-mêmes se sont entretués dans de furieux combats ou ont reculé devant le peuple aussi membre. Et quand, de temps en temps, un faune errant à l'aventure les a entrevus dans les sous-bois, avant de fuir, il a remarqué avec quelle peine les géants meuvent leurs membres là. Leur poitrine halète comme si l'air les desséchait. Ils flairent languissamment les fruits et les fourrages. Et comme si la nature elle-même les rejetait, souvent, parmi les feuilles sèches ou les halliers les plus épais, on découvre leurs squelettes blanchis, ossements gigantesques, pareils à des bouleaux adultes. Retrouvant leur férocité antique, deux bêtes farouches ont assailli Néboum. Gurgundo décrit le pelage brun des agresseurs, leur gueule baveuse, la force massive de leurs membres, leur taille supérieure à celle des centaures. Le meurtre fut commis sur la plage des galets, au dernier coude de la rivière, là même où ses eaux se mélangent à la mer salée. Peut-être ils sont encore auprès de la victime. Cela suffit, trêve au discours, agir est mieux que parler. En deux pas, Clévorac est sur le rivage. Il se secoue et crie à Gurgundo. À la nage, frère, à toute nageoire. Que ceux-là descendent la rivière à perdre haleine, qui veulent voir le sang de Néboum lavé dans le sang de ses meurtriers. Et parmi le hurlement de joie de son peuple, le vieux chef, ses cheveux blancs hérissés sur sa tête centenaire, lance le cri de guerre qui, jadis, annonça la mort au lion rugissant des cavernes. En un instant, la plage est vide. Le galop des centaures s'est englouti sous les pins. Au fil de l'eau, les tritons se hâtent pour être témoins du châtiment. Seuls les tritonneaux demeurent sous la garde de deux vieilles sirènes. Dans l'eau peu profonde, tiédie des derniers rayons du soleil, ils se pourchassent et se roulent, avec des rires bruyants et de grandes claques de leurs menottes palmées, et se disputent les petits crabes sur le fond de vase.